La Bible David Martin 1855. Le livre d'Ésaïe le prophète. Ésaïe chapitre 1. La vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, laquelle il a vue touchant Juda et Jérusalem, au jour de Zia, de Jotham, d'Achaz, et d'Ézéchia, roi de Juda. Cieux, écoutez, et toi, terre, prête l'oreille, car l'Éternel a parlé, disant, j'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître, mais Israël n'a point de connaissance, mon peuple n'a point d'intelligence. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de gens malins, enfants qui ne font que se corrompre, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont irrité par leur mépris le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Pourquoi seriez-vous encore battus, vous ajouterez la révolte, tout tête est en douleur, et tout cœur est languissant. Depuis la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien d'entier en lui, il n'y a que blessures, meurtrissures, et plaies pourries, qui n'ont point été nettoyées, ni bandées, et dont aucune n'a été adoucie d'huile. Votre pays n'est que désolation, et vos villes sont en feu, les étrangers dévorent votre terre en votre présence, et cette désolation est comme un bouleversement fait par des étrangers. Car la fille de Sion restera, comme une cabane dans une vigne, comme une loge dans un champ de concombres, comme une ville serrée de près. Si l'Éternel des armées nous eût laissé des gens de reste, qui sont même bien peu, nous eussions été comme Sodome, nous eussions été semblables à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, conducteur de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, de la multitude de vos sacrifices, je suis rassasié d'holocauste de moutons, et de la graisse de bêtes grasses, je ne prends point de plaisir au sang des taureaux, ni des agneaux, ni des boucs. Quand vous entrez pour vous présenter devant ma face, qui a requis cela de vos mains, que vous fouliez de vos pieds mes parvis, ne continuez plus à m'apporter des oblations de néant, le parfum m'est en abomination. Quant aux nouvelles lunes, et au sabbat, et à la publication de vos convocations, je n'en puis plus supporter l'ennui, ni de vos assemblées solennelles. Mon âme et vos nouvelles lunes, et vos fêtes solennelles, elles me sont fâcheuses, je suis las de les supporter. C'est pourquoi, quand vous étendrez vos mains, je cacherai mes yeux de vous, et quand vous multiplierez vos prières, je ne les exaucerai point, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions, cessez de mal faire. Apprenez à bien faire, recherchez la droiture, redressez celui qui est foulé, faites justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez maintenant, dit l'Éternel, et débattons nos droits. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige, et quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils seront blanchis comme la laine. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Mais si vous refusez d'obéir, et si vous êtes rebelle, vous serez consumés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Comment s'est prostituée la cité fidèle? Elle était pleine de droiture, et la justice logeait en elle, mais maintenant elle est pleine de meurtriers. Ton argent est devenu de l'écume, et ton breuvage est mêlé d'eau. Les principaux de ton peuple sont revêches, et compagnons de l'Aaron, chacun d'eux aime les présents, ils courent après les récompenses, ils ne font point droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient point devant eux. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, le puissant d'Israël dit, « Ah, je me satisferai en punissant mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Et je remettrai ma main sur toi, et je refondrai honnête ton écume, et j'ôterai tout ton étain. Mais je rétablirai tes juges, tels qu'ils étaient la première fois, et tes conseillers, tels que du commencement, et après cela on t'appellera, cité de justice, ville fidèle. Sion sera rachetée par le jugement, et ceux qui y retourneront seront rachetés par la justice. Mais les rebelles et les pécheurs seront froissés ensemble, et ceux qui ont abandonné l'Éternel, seront consumés. Car on sera honteux à cause des chaînes que vous avez désirées, et vous rougirez à cause des jardins que vous avez choisis. Car vous serez comme le chêne dont la feuille tombe, et comme le jardin qui n'a point d'eau. Et le fort sera de l'étoupe, et son œuvre une étincelle, et tous deux brûleront ensemble, et il n'y aura personne qui éteigne le feu.